Allô, Marine. Allô, papy. T'es pas ben jasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ma chouette, on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est tes parents, hein? Comme ça, ils ont vraiment décidé de partir. On se voit à la fin des vacances. Oh, papy, qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas partir. Je le sais, Marine. C'est une grave décision qu'ils ont pris là, mais ils ont sûrement dû peser longtemps le pour et le contre. Moi, je vois seulement que du compte. Tu y as peut-être pensé un peu vite. Tu sais que la vie est de plus en plus difficile ici. Le village vit de la pêche depuis bien des générations, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Avec la surpêche, la pollution, les changements climatiques et tout le reste, c'est devenu dur pour un pêcheur de subvenir aux besoins de sa famille. Mais on y arrive quand même. On n'est pas riche, mais c'est pas grave. Non, c'est vrai, c'est pas grave. Mais je pense que tes parents rêvent d'une meilleure vie, pour eux et pour toi. En ville, ils pourront probablement trouver du travail tous les deux. Vous pourrez vous permettre plus de choses. Ton père voudrait changer son vieux char et vous offrir plus de confort à ta mère et à toi. Et puis en ville, il se passe plein de choses. C'est pas comme ici. Tu pourras aller au cinéma, au théâtre et magasiner avec ta mère dans des centres d'achat immenses. Tu vas pouvoir t'habiller comme une vraie fille à la mode. Mais papy, tu sais bien que j'ai horreur de magasiner. Ah oui, c'est vrai. Mais tes parents m'ont dit qu'ils vont t'inscrire dans une école spéciale. Tu vas apprendre plein de choses nouvelles, faire des activités intéressantes, te faire des nouveaux amis. Des amis? J'en ai déjà ici. Puis, tais-toi. Tu m'apprends toujours plein de choses tripantes. Qui est-ce qui va m'apprendre à pêcher en ville? On va t'apprendre autre chose. Et moi, je continuerai à te monter la pêche quand tu viendras en vacances. Papy, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, ma chouette. Est-ce que tu partirais, toi? Est-ce que tu pourrais quitter le village? Moi, j'aurais toujours voulu parcourir la mer sur un beau grand trois-mâts. Pour réaliser ce rêve-là, je pense que je pourrais quitter le village. Mais en dehors de ça, c'est vrai, je partirais pas. C'est ce que je pensais. Mais ça veut pas dire que c'est mieux pour tes parents et toi de rester ici. Mieux pour moi? C'est facile à dire. Ils essaient même pas de me comprendre. Ils sont sûrs que je vais changer d'avis une fois là-bas. Tout le monde se moque de ce que je pense. Tu sais bien que je trouve ça important, ce que tu penses. Oui, c'est vrai, mais toi non plus, c'est pas toi qui décides.